Tout à coup, on entend un cri dans la clairière. Une femme, parmi les balles, apparaît. Toute la bande était déjà dans la forêt. Jean Chouan seul restait. Il s'arrête. Il regarde. C'est une femme grosse. Elle s'enfuit, hagarde et pâle, déchirant ses pieds nus au buisson. Elle est seule. Elle crie. « À moi, les bons garçons !» Jean Chouan, rêveur, dit « C'est Jeanne Madeleine !» Elle est le point de mire au milieu de la plaine. La mitraille sur elle avec rage s'abat. Il eût fallu que Dieu lui-même se courbât et la prit par la main et la mit sous son aile, tant la mort formidable abondait autour d'elle. Elle était perdue. « Ah ! » criait-elle, « au secours !» Mais les bois sont tremblants, et les fuyards sont sourds, et les balles pleuvaient sur la pauvre brigande.